night. Avec ma première classe, la ZF, l'escadrille, la charcelle qui est Ben Saint-Cyr. 99, je me suis en 2000, il est parti en France. Ouais, je viens couper des têtes, poser des couples. Quel style je donne, ce qui sonne inutile dans ma vibe. L'homme a peur, car je suis la peur faite homme. Mon hommage est à qui fait le monde de nos rimes les plus liés en homme. Beat, c'est toi le gnome, t'es de la plus pleine clique, je suis l'almôme. A dit que ça rime, j'ai le même thème de moi. C'est le top 1 qu'on entame ici, d'une nouvelle tonne de boom boom. Rap, old fidélité. Même si cela peut paraître débile, pile poil on tombe pour les gens fidèles à nos styles. Inutile de penser qu'on se branle, même si paraît-il. On inonde les FM et tous nos scuds s'achètent comme des kills. Cherche pas à savoir ce qui nous motive. Coup à coup on bosse, on fait tourner la locomotive. On enchaîne beat sur beat, rime sur rime. On match rime, représente la crème des crèmes et signe une fois plus ce nouveau crime. C'est l'élite, 13 et 16 S, fidélité. Habilité dans vos oreilles, vous habitez, série limitée. Essaye d'imiter, c'est juste comme l'unité. Acte commis avec impunité, dans ton élité. Première classe, dextérité, au match j'ai hérité. Mayen Galsen, bien mérité, du ghetto héritier. Saint-Cyrtal, vérité, la chasse est décrétée. Faut MC on fait, c'est tâteté. Faire bouger la tête aux frères, c'est comme ça. Ça boue la salle dans tous les sens. On aime ça, 13 et 16, qui Benji Pete, on donne ça. Label de qualité, rap français, haute fidélité. Faire bouger la tête aux frères, c'est comme ça. Ça boue la salle dans tous les sens. On aime ça, 13 et 16, qui Benji Pete, on donne ça. Les grandes deals, grand star, chute ces grandes stars, consus comme grande île. Moi et mon pote, il est un île, un des meilleurs, mes 30 villes. Casse à temps solidaire, car les magouilles 30 villes. PCS qu'on baisse, peut-être tu crois qu'on se prend le bill. Si un jour tu perds la face, mec, un conseil, prends le fil. Car si tu perds, sur tes plus dans le deal, dans le reel, hey, c'est première classe. On va si le commando, augmente les kilowatts. Je la gouache dans mon flow pour fuck les bambos clats. Bienvenue en première, la classe où on s'éclate. Y'a pas de fumée dans mon wagon, on brûle pas les étapes. On fait tourner l'instru et on se défonce de. Chez nous y'a pas de c'est bon. Obligé faut que ça tue. La belle de qualité pour l'escalade la rue. C'est comme ça qu'on obtient du succès sans cessu. Sans cessu frère, je parle en connaissance de cause. On se pose plus la question qui rappe dur, facture, mais qui pèse. Buzz et Bill sont bons train mais on se baise. On se base plus sur le textile que sur le textuel. Moi c'est textuel, textile, gestuel et plus sexuel. Style pittoresque et presque susceptible d'être excellent. J'ai le sens du recul, normal j'encule dans tous les sens. Ça c'est PC, là c'est hit par ses excellences. J'ai la tête aux frères, c'est comme ça. Ça coupe la salle dans tous les sens. On aime ça, 13 et 16, qui Benji Pete, on donne ça. La belle de qualité, rap français, haute fidélité. Faire bouger la tête aux frères, c'est comme ça. Ça coupe la salle dans tous les sens. On aime ça, 13 et 16, qui Benji Pete, on donne ça. La belle de qualité, rap français, haute fidélité. C'est première classe, à l'ancienne, comme l'époque de mon premier chasse. Premier clash, j'ai le cap que tu reprends. Dans ton premier flash, wild comme flush. On rêve plus de peser comme fudge, comme grunge. Et tu sais que ma clique c'est gold rush. Paya qui déchire comme la haya. Dis-moi, y'a quoi qui veut blaguer avec l'un de mes gars. Si tu me fâches, c'est chaud. Si tu me clashes, KO. Escadrine avec marron, bagarre, mais c'est ça le commando. Ouais, apocalyptique, mon ponctuel. Ma politique à moi, correct ou pas, c'est éclairé dans les sanctuaires. Aliment des troupes, c'est la guerre. J'ai étudié mon art, corps, guerre des corps. Quand les mecs sèment la discorde. On fait les choses et la marque de fabrique PC est dorénavant fiable. Ce qui sort de là, c'est de la boucherie, ça frappe quand on est hal. Les squales trip sur le 11, on tape dur, on se défonce. Bacardi, l'escadrine avec marron, la troupe s'annonce. Mais erreur, ride, tu sens Kawasaki. Première classe, donc tu veux la Wesaki. Les menaces, pompe, on est ouf, pas vrai Zaki. Le maquis. Responsable de la force de l'escadrille. Faire bouger la tête aux frères, c'est comme ça. Ça coupe la salle dans tous les sens. On aime ça, 13 et 16, qui Benji Pete, on donne ça. La belle de qualité, rap français, haute fidélité. Faire bouger la tête aux frères, c'est comme ça. Ça coupe la salle dans tous les sens. On aime ça, 13 et 16, qui Benji Pete, on donne ça. La belle de qualité, rap français, haute fidélité. Faire bouger la tête aux frères, c'est comme ça. Ça coupe la salle dans tous les sens. On aime ça, 13 et 16, qui Benji Pete, on donne ça. La belle de qualité, rap français, haute fidélité. Faire bouger la tête aux frères, c'est comme ça. Ça coupe la salle dans tous les sens. On aime ça, 13 et 16, qui Benji Pete, on donne ça. La belle de qualité, rap français, haute fidélité. Ouais, ouais. 13 et 16, qui Benji Pete, première classe team. Première classe, so fresh. C'est comme ça, on est dans ça. Double flow, c'est sur style. James, Paul Gear style. Pour ma première classe, calmement, un peu moins lentement, mais toujours aussi sûrement.